Chapitre 9. La malédiction. Il les entraîna vers une salle complètement vide de meubles. Le froid y était si présent que les deux hommes frissonnèrent. Seule l'immense cheminée de pierre paradait sur tout un mur ou presque, sculpturale et parfaitement conservée malgré les affres du temps. Une table de facture beaucoup plus moderne était placée contre un autre mur. Elle supportait tout un fatras de documents, feuilles libres et livres. Le professeur s'y dirigea d'un pas ferme. Ne faites pas attention. J'aime m'étaler lorsque je travaille. Où donc ai-je bien pu mettre cette photocopie? Il farfouilla parmi tous les feuillets épars, ce qui contribua à mettre encore un peu plus de désordre. Finalement, il en sortit d'une pile la feuille tant désirée, se moquant complètement que cette dernière chutât à terre ensuite. Il fit une place d'un revers de main en voyant bouler d'autres documents rejoindre la première pile. Voilà, messieurs, ce que nous avons trouvé au pied de ce superbe portrait. Il est bien entendu que ce parchemin a été roulé et scellé du sceau de Gaston Phoebus lui-même, sceau que l'on retrouve à l'intérieur également, comme vous pouvez le constater. Il est, en cet instant précis, au musée, qui va le traiter avec toute la déférence qu'il mérite, mais surtout contre les moisissures. Les méthodes modernes ont quelquefois du bon. Avouez quand même qu'il est extraordinaire, se réjouissait le petit homme. Ils se penchèrent tous trois sur le précieux incunable. Une écriture fine et claire s'en détachait. Il manquait quelques lettres de ci, de là, mais dans l'ensemble, il était superbement conservé lui aussi. En quelle langue est-il donc rédigé? Demanda curieux Jérémie. Si je ne me trompe, répondit Fred, c'est de l'occitan. Mais les termes ayant évolué au fil des siècles, je ne les comprends pas. Peut-être l'ancêtre en serait-il encore capable? Inutile, messieurs, je l'ai déjà traduit. Sidérés, les deux amis attendaient avec impatience que le professeur continue. Il sortit de sa serviette à ses pieds une autre feuille de format A4 qu'il posa sur la table. Mais ne put qu'articuler Fred. C'est une malédiction. Eh oui, mon jeune ami. Et qui plus est, une bien mauvaise. Je vous laisse le soin d'en prendre connaissance. Voici la traduction française. Malédiction de notre Seigneur Gaston Phoebus, troisième comte de Foix, à l'encontre de la fille Clariane. Clariane, ma bien-aimée, tu as honteusement trahi mon cœur. Ton enfanson sera épargné, mais tu seras emmuré dans la tour de l'Arger. Après chaque premier-né, ta descendance mourra, et la malédiction sera levée si l'on retrouve un jour ton corps, ou si pendant les siècles qui suivent, un homme veut bien prendre soin de toi jusqu'à ta mort. Les deux amis sidérés restaient muets. Le professeur Martinet se délectait et reprit au bout d'un long moment. « Eh oui, ce cher Gaston ne plaisantait certainement pas avec l'infidélité. D'ailleurs, une de ses phrases favorites était « Dans mon courroux, nul n'a de pardon. » « Ne pouvait-il seulement la laisser partir ?» dit Jérémie atterré. Oh, « Bien sûr que non, jeune homme. Un seigneur de son envergure ne pouvait à son époque se permettre d'être faible, et encore moins cornu. » Au risque de perdre toute crédibilité auprès de ses proches d'une part et de ses vassaux ensuite. Cette pauvre fille en a fait les frais, si j'ose dire. Sait-on à présent où se trouve son corps? Hélas non, Fred, mais nous cherchons. Nous avions tout d'abord songé à la grotte du Cheval qui se situe au contrefort du château, mais nous avons fait chou blanc. Et dans le château lui-même? Demanda Jérémie encore sous le choc. Dans le château, mon jeune ami, cela reste un autre problème, auquel je dois l'admettre, je n'ai de solution. Nous ne pouvons le détruire petit à petit, tout cela pour chercher d'hypothétiques ossements. Lorsque ce pan de mur s'est écroulé, dévoilant ce portrait, ce médaillon ainsi que le parchemin, nous pensions avoir trouvé sa sépulture par la même occasion. Hélas, ce ne fut pas le cas, comme vous le constatez. Oui, il n'en est rien, ce que j'ai compris, fit Fred dépité. Non, et c'est plutôt étonnant. Nul ne croit à une pareille malédiction, nous aurions dû retrouver ses restes. À moins qu'il ne se soit agi d'une quelconque farce, mais franchement, elle serait de très mauvais goût et j'en doute fort. Et pourquoi personne n'y croirait, professeur? Notre époque moderne choisit de refuser pareille billevesée. Ce ne sont que superstitions et autres. Ne me dites pas que vous y croyez, s'esclaffa le vieil homme. Non, bien sûr que non. Bien que cela soit fort troublant, admettez-le. Et ce pan de mur qui s'écroule maintenant et qui dévoile. Oui, je l'admets. Mais au Moyen Âge, il fallait que cela percute les braves gens pour qu'ils obéissent plus facilement. Et ce cher Phébus était un homme brillant. Il s'est également fait avoir en beauté, d'après ce que l'on raconte. Sa première épouse, adorée, enceinte et empoisonnée par une rivale. Enfin, nous n'y étions pas, et ce que nous en savons aujourd'hui, dit-il en se tournant vers le document, se résume à cela. Brillant, certes, mais porté plutôt vers la chasse, dont il a écrit un traité. Vous en ai-je déjà touché un mot? Non, je ne crois pas en avoir eu le temps. C'était tout simplement fabuleux, un précurseur, un grand homme, croyez-moi. Blond comme les blés, d'où son nom. Gracieux, affable. Très sportif, dirions-nous aujourd'hui. Il aimait courir la gueuse, et ces dernières ne se faisaient aucunement prier. Enfin, c'est une autre histoire. Voilà, mes jeunes amis, ce que je peux vous apprendre aujourd'hui sur mes découvertes. Il est évident, si cela vous intéresse toujours, que je me ferai un plaisir de vous informer si du nouveau survenait. Bien volontiers, professeur, dit Fred. Nous vous remercions d'avoir pris sur votre précieux temps. En effet, fit Jérémie à son tour, c'était plus que passionnant. Une question me vient encore, puis-je? Volontiers, jeune homme, volontiers. Pourquoi aller chercher dans la grotte sous le château? Du moins, pourquoi celle-ci? Il doit y en avoir un tas dans toute la région. N'aurait-il pu l'oxyre ailleurs? Oh non, je ne crois pas, mais cela reste une possibilité, certes, et dans ce cas, nous ne retrouverons probablement jamais les restes de cette pauvre enfant.